tu es puissant Seigneur, je t'adore Prince de paix, tu es le plus fort pour moi ailleurs, je lève mes mains en t'adorant. Alléluia, thank you, Jesus. Nous t'adorons. Chantons-le tous ensemble. Je t'adore, alléluia. Je t'adore quand je suis trouvé. Je t'adore, Prince de paix. Une fois de plus, je t'adore. Je t'adore, grand je suis, grand je suis. Je t'adore. précieux. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur ce matin? Dis merci. Remercie le Seigneur. Il est digne de recevoir tes louanges et ton adoration ce matin. Seigneur, merci pour nos vies. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Merci, Seigneur, pour ta protection, ton salut, Seigneur, ton amour. Seigneur, merci. Nous sommes là, Seigneur, ce matin. Bénis-nous à ta parole. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, viens nous aider ce matin. Au nom de Jésus, et tout le monde dise Amen. Viens vous asseoir. Alléluia. Comment vous allez? Ok. Je veux qu'on fasse quelque chose. Alléluia. Après le culte, ok, tout le monde va aller chercher ceux qui ne sont pas venus. Est-ce que c'est bon? Yeah. Les gens ont oublié qu'on a, on a fini les fêtes. Alléluia. On va aller les chercher. Et puis, dimanche, on va les amener. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Yeah, ça fait partie de notre responsabilité d'aider les autres. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est bon? Et on va commencer à évangéliser. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Yeah. Donc, ce matin, on va continuer. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de jeûner et de prier? Alléluia. Et qui sont ceux qui n'ont pas le livre? Si tu n'as pas le livre, on a des copies ce matin ici. Alléluia. Et donc, c'est combien de CD, Stéphane? 5 Ghana. Je crois que c'est 20 Ghana. On a réduit à 5. Eh, hey, waouh. Donc, si tu n'as pas le livre, c'est toi, hein? Alléluia. Et mais ce qu'on va faire, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, attendez à la fin du culte. OK? À la fin du culte, vous pouvez acheter. Alléluia. C'est 5 Ghana CDs. On va pas acheter à crédit. OK? À crédit. Donc, si tu veux acheter pour quelqu'un aussi, tu peux acheter. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et qui sont ceux qui ont commencé à lire le livre? Est-ce que c'est un bon livre? Yeah. Ceux qui disent que je suis orgueilleux. Moi, je sais que je suis orgueilleux. C'est ce que les gens disent. Alors que tu lis, tu vas réaliser que tu es en train de te détruire sans le savoir. Alléluia. Et la Bible te montre ici. Tu vas voir les versets qui te montrent comment t'en sortir de cet esprit d'orgueil. Alléluia. Et d'apprendre à être humble. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. La Bible dit qu'à moins que tu deviennes comme un enfant, tu ne pourras pas entrer dans le royaume des cieux. Bon, c'est caractéristique d'humilité. Je ne veux pas entrer dans les détails. Je pense que c'est le premier chapitre. Ou bien deuxième chapitre. Alléluia. Tu vas réaliser que beaucoup d'entre nous, on n'est pas un. Alléluia. On n'est pas un. Et donc, je pense que avec ces temps de jeûne et de prière, le Saint-Esprit, Dieu par le Saint-Esprit va nous changer et nous allons devenir humbles. Alléluia. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Yeah. Donc, cet après-midi, je pense, on va prier de 14h à 17h. Il y a prière. Alors, Stéphane, vous vérifiez avant la fin du culte. Faut essayer de voir. Tu peux contacter Kodesh. Si on doit, je pense qu'il y aura prière de 14h à 17h, bien de 15h à 17h, quelque chose comme ça. Alléluia. Et donc, je pense que nous sommes à chapitre 5. C'est ça, non? Nous sommes à chapitre 5. On a fini chapitre 4. Ou bien? On n'a pas fini chapitre 4. Chapitre 3. Nous sommes toujours sur chapitre 3. Oh, ce matin, j'ai vu chapitre 5. Hein? Chapitre 5. Et puis avant-hier, bien dit. Avant-hier, j'ai vu chapitre 4. Donc pourquoi vous dites on est sur chapitre 3? La prière. Je parle de la prière. Je vais pas enseigner de ce livre, hein. Non. Je dis la prière. Les sujets de prière sont pris dans des chapitres. Donc nous sommes sur chapitre 5. Ou bien? Ah, c'est ce que je dis. Nous sommes sur chapitre 5. On a pris chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Je pense qu'on a fini avec chapitre 4. Ce matin, j'ai vu chapitre 5. Ou bien? Ah, Stéphane? Yeah, chapitre 5. OK? Donc, les sujets de prière sont pris dans les chapitres. Alléluia. Comment reconnaître la langue arrogante? Que l'Éternel extermine toutes les langues, toutes les lèvres flatteuses. La langue qui discourt avec arrogance. Arrogance. Et donc, on nous a montré comment, qu'est-ce qui est l'arrogance. Les langues arrogance. Et les lèvres flatteuses. Hallelujah. Et donc, c'est ça. Donc, à la fin du culte, essaye d'avoir une copie. Ça va t'aider beaucoup, même après ce temps de prière et de jeûne. Hallelujah. Ça va t'aider beaucoup. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Comment être humble. Prier. Et le Seigneur va t'aider. Alléluia. Oh. Alléluia. Vous êtes jeune. Vous êtes jeune. Alléluia. Vashti. Vous êtes enflé comme Vashti quand vous n'obéissez pas plus à votre époux. Yeah, ceux qui sont mariés. Ça, c'est un esprit d'orgueil. Ça, c'est chapitre 11, ok? Il y a beaucoup de choses dedans. Alléluia. Des exemples pratiques dans la Bible pour t'aider à comprendre. Parce que parfois, les gens disent, moi, je suis pas orgueilleux. Il y a d'autres qui disent, je suis, mais il y a beaucoup qui disent que je ne suis pas. Ils disent, oh, je suis un. La plupart des temps, ceux qui disent, je suis un, sont pas un. Alléluia. Et lorsque tu lis, tout le monde se retrouve ici. Alléluia. Et par la prière, le Seigneur va nous aider. Alléluia. Je vois beaucoup de personnes devenues humbles. Alléluia. Et tu vas voir qu'avec l'humilité, le Seigneur te lève. Alléluia. Il dit le plus humble est le plus grand. Dans le royaume, le plus humble est le plus grand. Alléluia. Dans le monde, le plus humble est le plus... Ceux qui sont orgueilleux sont normaux, sont considérés comme les plus grands. Alléluia. Mais dans le royaume, le plus humble est le plus grand. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Donc, ça c'est à part. Ce matin, nous allons continuer avec nos sujets de... Pourquoi? Servir le Seigneur est une grande chose. Alléluia. Est une chose merveilleuse. Servir le Seigneur. Et nous avons parlé beaucoup, on a donné beaucoup de raisons. Alléluia. Amen. Il y a une différence. Tu vas voir que, à un moment donné de ta vie, tu vas réaliser que tu es différent des autres. Ton mariage sera différent des autres mariages. Alléluia. Ta famille sera différente. Amen. Toute chose sera différente de ceux qui ne servent pas le Seigneur. Malachie 3, chapitre 3, verset 18. Alléluia. Et donc, nous devons, cette année, on va servir le Seigneur. Pas parler. Alléluia. Donc, on a donné beaucoup de raisons. L'une des raisons. Raison combien? Deux ou bien trois? Seulement deux? Trois. Servir le Seigneur, troisième, c'est quoi? Le troisième, c'est quoi? L'abondance. Deux, c'est quoi? de l'abondance. Toi, c'est quoi? On n'a pas fait toi? Non. Oh, ok. Wow. Donc, il y a beaucoup. Ok, on va aller un peu plus vite. Servir le Seigneur, c'est une grande honneur de servir le Seigneur. Alléluia. C'est une grande honneur. Est-ce que tu peux t'imaginer maintenant le président t'appelle, hein, ton petit garçon ou petite fille. Le président t'appelle, il vient où? Vient au quoi? À la présidence. J'ai un travail pour toi. Est-ce que c'est pas une grande honneur? Yeah. C'est la même chose. Dieu, servir Dieu, c'est une honneur. Hein? Toi, avec toutes tes faiblesses, toutes tes bêtises, mais le Seigneur t'appelle. Hein? Servir le Seigneur, c'est pas être pasteur. C'est pas être pasteur, non. Lorsque le Seigneur te sauve, t'a appelé. Il t'a appelé. Alléluia. Est-ce qu'on comprenait? Lorsque le Seigneur te sauve, le jour que tu dis, Seigneur, je te donne ma vie, je vais te servir. C'est ça. Tu es devenu serviteur du Seigneur. Alléluia. Donc le Seigneur t'a appelé et tu réponds à cet appel. C'est une grande honneur. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il y a Hébreux 5. Hébreux 5, chapitre 5, verset 1. Hébreux, chapitre 5. Tout grand prêtre est choisi parmi les hommes. Et il est établi en faveur des hommes pour leur relation avec Dieu. Il est chargé de présenter à Dieu des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Et il peut avoir de la compréhension pour ceux qui sont dans l'ignorance et qui s'égarent parce qu'il est lui aussi exposé à la faiblesse. À cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices non seulement pour les péchés du peuple, mais aussi de la même manière pour les siens, les siens propres. Verset 4. De plus, il ne s'attribue pas de sa propre initiative l'honneur d'être grand prêtre, on le croit, en y étant appelé par Dieu, comme ce fut le cas pour Aaron. Alléluia! C'est une grande honneur que le Seigneur t'appelle et tu réponds à cet appel pour le servir. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah, comme l'exemple du président. Le président t'appelle? Oh! Ça, c'est pas une petite chose, hein? Yeah! Le président t'appelle. C'est une grande honneur. Et donc, servir le Seigneur, c'est une grande honneur. Alléluia. On a grandi dans une société où on parle mal des chrétiens. À cause de certaines choses. Alléluia. À cause de ce qui se passe. Alléluia. Mais les gens oublient que, dans le passage qu'on vient de lire, les gens oublient que les chrétiens sont des hommes. Ou bien? Comme tout le monde. Alléluia. Les pasteurs sont comme des hommes de Dieu. Sont des hommes d'abord, avant de Dieu. Ou bien? Les hommes de Dieu. Alléluia. Donc, si un chrétien fait une bêtise, et on pense que le chrétien ne peut pas faire cette bêtise. Ah, mais le chrétien, c'est un homme, un être humain. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ça ne donne pas l'autorité d'aller faire des bêtises. C'est ce que je dis. C'est pas que nous va aller faire des bêtises parce que, nous sommes des hommes, bien des êtres humains. Alléluia. Mais si ça arrive, mais pourquoi condamner et pourquoi, regarder les chrétiens comme, amen. Comme quoi? Je sais même pas. Alléluia. Et donc, c'est à cause de ces choses, à cause de ces expériences et la façon dont on a parlé mal des chrétiens, bien parlé mal des hommes de Dieu et des églises, on voit ça comme c'est pas une honneur. Ou bien, on voit pas ça comme une honneur, servir Dieu. Parfois, on a même honte, ou bien, on a même honte. Mais on ne doit pas avoir honte. C'est une grande honneur. C'est comme le président t'appelle. Alléluia. Et le président te connaît. avec toutes tes faiblesses, avec toutes tes choses, te connaît, mais t'a appelé. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est une grande honneur et nous devons répondre à cet appel et servir le Seigneur. Alléluia. Est-ce que c'est bien? OK. Quatrième, aujourd'hui, je vais aller un peu plus vite. Quatrième raison. OK. Quatrième raison. Il y a beaucoup de bénéfices. D'accord? Servir Dieu, c'est une bonne chose parce qu'il y a beaucoup de bénéfices d'être proche de Dieu, d'être plus proche de Dieu. Alléluia. Beaucoup de bénéfices. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Qui est le plus riche de ce monde? Vous connaissez le plus riche de ce monde? C'est qui? Qui? Bill Gates, il est toujours? J'ai lu que non, on l'a détrôné. C'est qui? Il est revenu. Ah, ok. Ok. Bill Gates. Alléluia. Tu vois, tu peux être directeur d'une entreprise ici. Alléluia. Tu peux être directeur d'une entreprise ici. Mais un serviteur ou bien servant de Bill Gates peut être plus riche que toi. Parce qu'il est proche de Bill Gates. Ou bien? Yeah. Yeah. Si tu es proche de Bill Gates, tu peux être riche plus que un directeur d'entreprise ici au Ghana. C'est vrai ou bien c'est faux? Yeah! Parce qu'il est riche. Et il peut avoir beaucoup de choses. Hein? J'ai appris que c'est le directeur de Apple. Ou bien l'un de ces grands riches là. À un moment donné, il dit qu'il a acheté des voitures à tous les employés de l'entreprise. Seulement comme cadeau. Même si tu es balleur de l'entreprise, tu reçois une voiture. Est-ce que vous comprenez? Yeah, c'est ça. Lorsque tu es proche d'une personne, tu as certains bénéfices. Yeah. Yeah. Il y a certains bénéfices. Alléluia. Yeah. Et avec Dieu, c'est la même chose. Et je ne sais pas comment on considère le Seigneur. Le Seigneur est plus riche que... Ah, mais on ne peut pas considérer le Seigneur à Bill Gates. Amen. On ne peut même pas comparer le Seigneur à Bill Gates, à toutes les richesses de ce monde. C'est lui-même l'auteur, en fait, de la richesse. Alléluia. Et de plus tu es proche de lui, de plus tu es riche. Alléluia. Amen. Psaume 73. Psaume 73. Verset 27. Qui t'abandonne se perdra et tu anéantiras tous ceux qui te sont infidèles. Verset 28. Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de Dieu. Oui, j'ai placé dans le Seigneur, dans l'Éternel, mon sûr refuge. Et je raconterai ses œuvres. Alléluia. Mais regarde la première partie de verset 28. Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être prêt. C'est d'être prêt. Mon bénéfice, bonheur, bonne chose, les bénéfices, c'est d'être prêt du Seigneur. Parce que lorsque je suis prêt, je reçois beaucoup de bonnes choses. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de personnes, des hommes se marient à leurs servantes. Ça arrive. Beaucoup. Et beaucoup de malades, des hommes malades à l'hôpital, par exemple, se marient à l'infirmière qui prend soin d'eux. Ou bien vous ne savez pas? Yeah! Parce que servir, c'est beau. Vous ne savez pas, servir, c'est beau. Vous ne savez pas, vous êtes des jeunes. Yeah! Servir, c'est beau. C'est beau. Tu viens, te sers de l'eau. Les filles qui ne savent pas comment servir, faut apprendre à servir. Yeah. On te sert de l'eau, on te sert de ça. Tu es là, on fait ça. Tu attends des instructions. On te dit, tu fais. C'est beau. C'est beau. Donc les femmes, faut aller apprendre à servir. Yeah, servir. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Apprendre à servir. Yeah. Yeah. Vous comprenez ce que je dis? Yeah. Mais il faut servir Dieu. Il y a une beauté d'être proche de Dieu. Et par là, tu reçois beaucoup de choses. La petite fille qui est dans la maison qui nous sert, par exemple, connaît ma chambre. Mais toi, tu es ici, tu ne connais pas ma chambre. Tu te dis berger, tu connais ma chambre? Parce que la personne est proche. Et donc, lorsque tu es proche du Seigneur, le Seigneur va te révéler des secrets. Yeah. Alors, je sais, tu te poses pourquoi le pasteur est en train de parler de service, c'est beau. Yeah. Tu connais des secrets. Tu es proche de Dieu. Tu reçois des choses. Oh, dis, oh, donne. La servante à la maison donne seulement comme ça. Mais toi, tu viens à l'église, tu dois me demander avec que je te donne. Par exemple, amen, je ne dis pas amen. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Donc la personne qui est proche reçoit beaucoup de bénéfices. Connaît les secrets, connaît les choses que ceux qui sont loin ne connaissent pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah. Donc soyons des serviteurs. Les serviteurs. Apprendre comment servir. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. Apprends. C'était hier ou bien il y a 3 jours, j'ai demandé à mon petit garçon d'aller me chercher fork. Fork, c'est quoi? Fourchette. Donc, il est allé chercher. Et donc, lorsqu'il arrivait, il a pris tissue. C'est quoi qu'on appelle? Mouchoir, c'est pas mouchoir. Yeah. Et puis en train de. Mais ça, j'ai dit, ah, toi tu as pris. Où est-ce que tu as pris ça là? Il dit, oh non, j'ai vu une dame qui est en train de servir quelqu'un. Et la dame a pris la fourchette. Et puis est en train de s'emballer ou bien mettre. Beaucoup d'entre vous ne savez pas. Si on dit amenez fourchette, vous prenez la fourchette, vous amenez comme ça. Hein? On dit amenez piota, vous amenez le piota comme ça. Au lieu de mettre ça sur, comment on dit? Et puis amenez. Vous ne savez pas. C'est vrai, bien sûr. Hein? Il y a une beauté. Yeah. Et tu touches le cœur du Seigneur lorsque tu le sers et le sers bien. Alléluia. Yeah. Le Seigneur te demande de faire quelque chose. Tu fais ça avec, amen. Tu fais ça avec peine, avec négligence. On ne prend pas soin de comment servir le Seigneur. On ne fait pas ça bien. Alléluia. Yeah. Servir le Seigneur, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Je me rappelle, c'était mardi, mercredi, jeudi, on est en train de prier des sujets de prière. Alléluia. Et on a, il y a un sujet, je pense que c'est Philippiens 3, qui dit de servir, pas servir avec, lorsque tu es là présent de la personne, c'est à ce moment tu fais comme tu es en train de servir. Hein? I service. And men pleases. En français, c'est quoi? I service. eye service. Eye service. Lorsque la personne est en train de te regarder, donc tu fais semblant de servir. Man pleases. Tu veux plaire aux hommes. Yeah. C'est pas ça. Lorsque tu es à l'église, lorsque tu es à la maison, c'est différent. Non, c'est pas ça. Alléluia. Et lorsque tu es proche, tu sers le Seigneur, tu es proche du Seigneur, et ton service est beau. Le service que tu donnes à Dieu, c'est beau. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Yeah. Cinquième. Je vais essayer de finir. Cinquième. Alléluia. Cinquième. Servir le Seigneur, c'est une grande chose. OK. Parce que le Seigneur va te délivrer de quoi? OK. Psaume 116. Psaume 116, on va bien. Psaume 116. Verset 12. OK. Hallelujah. Psaume 116, verset 12. Dans ton amour, tu chasseras mes ennemis et tu feras périr tous mes persécuteurs, puisque je suis ton serviteur. Hallelujah. Amen. Amen. Yeah. Dans ton amour, tu chasseras mes ennemis et tu feras périr tous mes persécuteurs, puisque je suis ton serviteur. Alléluia. Servir le Seigneur, c'est grand parce que le Seigneur chassera tous tes persécuteurs. Il va faire périr tous ces persécuteurs et chassera tes ennemis. Wow. Wow. Yeah. Yeah. Le Seigneur va chasser tous tes ennemis. Le Seigneur va faire périr tous tes persécuteurs. Servez le Seigneur. Wow. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes là? Yeah. Psaume 143, verset 12. Non, c'est psaume 143. On vient de lire psaume 143. 116. Oh. Non, non, j'ai lu un autre verset. C'est 143, verset 12. OK. Psaume 143, verset 12. Et psaume 116, verset 16. OK, verset 16. Ô Éternel, ne suis-je pas ton serviteur? Oui, ton serviteur, le fils de ta servante. Tu as brisé mes chaînes. Yeah. Donc ça, c'est deux raisons. Deux raisons, le Seigneur va chasser tes ennemis et faire périr tes persécuteurs. Et ici, il dit, il va faire quoi? Briser tes chaînes. Alléluia. Tes chaînes. Il y a des chaînes qu'on ne voit pas. Tu es en chaîne. Tu n'arrives pas à avancer. Parce que on t'a mis la chaîne. Ta main n'arrive pas. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tu es en chaîne. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tu es en chaîne. Tu écris l'examen, tu ne passes pas. Il y a peut-être une chaîne. Tout le temps. Je dis pas que, Amine, si tu ne réussis pas, c'est pas. Ça devient normal. Que toi, tu ne passes pas tes examens. Ça veut dire qu'il y a une chaîne. Alléluia. Et lorsque tu es serviteur de Dieu, le Seigneur brise ses chaînes. La fois passée, je disais à quelqu'un, si tu penses que tu as un démon, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Parfois, on va prier. Parfois, on va essayer de prier, jeûner et puis chasser ces démons. Mais parfois, ces démons ne vont pas quitter. Mais c'est quoi? Continue à servir le Seigneur. Avec le temps, ça va disparaître sans le savoir. Yeah. Yeah. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. On a prié, on a jeûné, on a fait quoi? On a lu les formules, les étapes pour te délivrer. Toujours le problème est là. Ne t'en fais pas. Continue à servir le Seigneur. Le Seigneur va briser ces choses. Il va chasser ses ennemis. Il va faire périr. Il y a certaines choses, certaines situations qui ne vont jamais quitter par ta prière. Il y a certaines situations qui sont toujours là depuis que tu as commencé à servir. Ils sont toujours là. Ne t'en fais pas, continue à servir le Seigneur. Le Seigneur lui-même va briser ces choses. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alors que je suis en train de prêcher, il y a des démons qui sont en train de partir. Le Seigneur est en train de les chasser. Sans t'avertir, toi-même tu ne vas même pas savoir. Parfois lorsque les démons quittent ta vie, il y a des manifestations physiques. Parfois. Mais la plupart des temps, il n'y a rien. Rien. Ils vont quitter seulement. C'est fini. La plupart des temps. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, continue à servir le Seigneur. Ce problème, continue à servir le Seigneur. Ça va disparaître sans le savoir. Ça va disparaître. Alléluia. Est-ce que tu es béni ce matin? Ok. Daniel, chapitre 6. Daniel, chapitre 6, verset 19. Vous êtes là? Ouvrez vos bibles. Ouvrez les bibles. Après cela, l'empereur rentra dans son palais et il refusa tout divertissement. Mais il ne parvient pas à s'endormir. Alléluia! Vous voyez, Daniel était premier ministre et le roi était là. Et Daniel et son peuple étaient, captivés, en captive, captivés ou bien je sais pas. Alléluia. Et donc, le peuple d'Israël était là comme des serviteurs. Mais on a nommé Daniel premier ministre. Et avec ses compatriotes. Alléluia. Et donc, le peuple, c'est quel peuple? C'est Babylone? C'était Babylone. Babylone, Les gens de Babylone n'étaient pas contents parce que Daniel, le roi a nommé Daniel premier ministre. Donc, ils cherchaient tout moyen pour le détrôner, pour le trahir. Donc, ils ont cherché, ils ont vu que Daniel, il n'y avait pas de faute, il n'y a rien qu'ils peuvent utiliser contre lui. Donc, ils ont essayé de fait un plan, dit que bon, tout le monde maintenant doit se prosterner devant le roi, bien devant un statue, c'est une statue comme leur dieu. Donc ils ont fait ça et donc tout le monde doit se prosterner et tout le monde doit aussi ne doit pas aussi prier à leur dieu mais plutôt se prosterner à cette image, bien cette statue. Alléluia. Et donc, il savait que Daniel ne va pas le faire. Et là, ils auront une cause pour l'avoir. Et donc, ils ont fait un décret et ils ont demandé au roi. En fait, ils ont fait de manière que le roi n'a pas su qu'ils sont en train de faire quelque chose contre Daniel. Et donc, le roi a signé ce décret que tout le monde doit le faire. Il inclut les Juifs, Daniel et son peuple. Et donc, c'est pourquoi ce verset, il dit Daniel, chapitre 6, verset quoi? 19. Est-ce que vous lisez avec moi? Ok. C'est pourquoi il dit, après avoir signé, il a signé, il a fait tout, et puis après, ils ont réalisé que Daniel n'a pas fait. Et donc, ils ont eu Daniel et ils ont mis Daniel dans la fosse des lions. Donc le roi était, c'est pourquoi ce verset a été écrit. Après cela, l'empereur rentrait dans son palais et refusa tout divertissement. Mais il ne parvient pas à s'endormir à cause de cela parce qu'il savait qu'il a fait quelque chose de mauvais. Il ne devait pas signer ce décret. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Dès le point de jour, donc dès le matin, le lendemain, l'empereur se leva et se renda en toute hâte à la fosse des lions, aux lions, pour voir ce qui s'est passé à Daniel, parce que il pensait que non, Daniel n'était pas, ne devait pas subir cette punition. Alléluia. Et comme s'il s'approchait, il s'en approchait, il appelait Daniel d'une voix angoissée. Daniel, cria-t-il, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Alors Daniel répondit à l'empereur, ô majesté, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions de sorte qu'ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été reconnu innocent devant lui. Tout comme je n'ai pas commis de faute envers toi, majesté. Alléluia. Est-ce que maintenant vous avez vu l'histoire? Yeah. Le roi était, ou bien l'empereur était troublé. Parce qu'il sait que Daniel n'a pas commis des erreurs. Il est innocent. Mais le roi a délivré Daniel de ces lions. Et normalement, ces lions, on laisse un temps, un long temps. Donc, ils sont affamés. Et lorsqu'on te jette là-bas, dans quelques secondes, tu es dévoré. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a envoyé des anges. À cause de quoi? Qu'est-ce que le roi a dit? Verset 21. Il s'approche de Daniel. Daniel, cria-t-il, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec toute persévérance, a-t-il délivré de ces lions? Serviteur de Dieu vivant. Serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Le Seigneur va mettre des anges pour comme tes gardes pour toi. Lorsque tu sers le Seigneur. Alléluia. Amen. Je sais qu'il y a des anges ici. Yeah, des anges ici pour ceux qui servent le Seigneur. L'ange là te suit chaque fois pour te délivrer. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est pas des histoires. Oh. C'est la vérité. C'est la vérité. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Un jour, il y a une dame. D'accord? Que le Seigneur a donné. Le Seigneur ouvre ses yeux pour voir dans l'esprit. Alléluia. Et l'évêque dit qu'un jour, c'était à Collégon, non? Il était à côté de sa voiture. Et la dame était dans la cathédrale. Et donc, la dame a vu que, avant, la dame a vu, chaque fois que l'évêque prêchait, elle a vu qu'il y avait un ange qui était toujours à côté de lui lorsqu'il prêchait. Yeah. Donc, le jour-là, la dame a vu sur le parking, à côté de sa voiture, il y a un autre ange qui est plus grand que l'autre qu'elle voyait avant. Yeah. Yeah. Yeah. Qu'est-ce qui se passe? Parce que à chaque moment de ta vie, le Seigneur t'assigne un ange qui est capable de te délivrer du mal qui va t'arriver. Donc, s'il y a un grand mal, une grande mauvaise chose qui arrive, le Seigneur va assigner un autre ange qui est plus fort que l'autre. Donc, c'est ce qui t'est arrivé. Donc, l'évêque dit que, le Seigneur a changé l'ange, parce que maintenant, j'ai besoin d'un ange qui est plus fort. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Daniel a dit, le Seigneur a envoyé un ange. Plus costaud que les lions. Il a fermé la bouche des lions. Tais-toi. Ça, c'est mon serviteur. Alléluia. Est-ce que c'est pas une joie? C'est pas une bonne chose. Le Seigneur va assigner des anges Le Seigneur te donne un ange qui te garde. Si tu as besoin de deux, il te donne deux. Tu as besoin de trois. Tu as besoin de... Ah! Reçois, dis Amen et reçois. Ah! Ah! Ah! Ah! Il y a une histoire dans la Bible. Élisée. Elisha. Elisha, Elisha, c'est Élisée ou bien Élie? Élie. Élisée ou bien Élie? Elijah ou bien Elisha? Ok. Entre les deux. Il y avait un jour, il était avec son serviteur, ou bien son servant. D'accord? Et puis, il y avait des ennemis qui voulaient l'attaquer. Parce que c'est lui qui dévoilait, ils ont réalisé que l'ennemi réalisait que chaque fois qu'ils allaient en guerre, alors le peuple d'Israël allait en guerre, c'est comme le peuple d'Israël connaissait les stratégies des ennemis. Yeah, chaque fois. Donc, le prophète, soit Élisée ou bien Élie, révélait ses secrets au peuple d'Israël et chaque fois, ils ont la victoire. Donc, un jour, l'ennemi a dit, ah, mais pour qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que chaque fois on va en guerre avec ce peuple, il connaît nos stratégies et ils ont la victoire. Donc, il y a un gars qui a dit non. Il y a ce prophète-là. Et chaque fois, le Seigneur révèle le secret pour eux. Et puis, ils nous attaquent. Et puis, ils ont la victoire. Donc, maintenant, ils ont décidé que maintenant, ils vont laisser le peuple. Ils vont attaquer le prophète. Ils vont attaquer le prophète. Donc, le prophète était là avec son servant. Et donc, il ne savait pas, le prophète ne savait pas. Donc, il arrivait. Et donc, il y avait le serviteur du prophète, il était sorti. Donc, il a vu que l'armée, l'ennemi arrivait. C'était avec des armes, tout ça là, des chars, ils arrivaient. Donc, il avait peur. Donc, il a couru pour aller dire au prophète que l'ennemi arrive, vient nous attaquer. Et nous sommes seulement deux. Le prophète lui a dit, n'aie pas peur. Parce que ils sont nombreux et nous sommes deux. Le frère a dit, non, n'aie pas peur. Nous sommes plus nombreux qu'eux. Le frère a dit, ah, comment? Ben, nous sommes deux ici. Et le Seigneur a ouvert les yeux du serviteur. Et il a vu l'armée de Dieu. Plus nombreux que l'ennemi. Les anges. L'armée. C'est pourquoi je dis que lorsque tu rencontres un ennemi, ou bien des ennemis, et tu as seulement un ange, le Seigneur va commander les autres pour aller te délivrer. Et le jour-là, l'ennemi, ils n'ont même pas compris. Ils n'ont même pas compris. Les deux ont eu la victoire, ils n'ont même pas compris ce qui s'est passé. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et donc, lorsque tu sers le Seigneur ne va pas t'envoyer, ou bien le Seigneur ne va pas te donner une tâche à faire. Tu ne seras pas le serviteur du Seigneur et le Seigneur ne va pas te défendre lorsque tu es dans un problème. Le Seigneur ne va pas te défendre. Ah, va te défendre. Yeah, va te défendre. Et chaque fois l'évêque dit que, lorsqu'il y a les membres, il dit que un jour il y avait une branche de Lighthouse et puis il y avait un problème dans cette branche. Donc les membres de l'église de cette branche avaient été contre le pasteur. Ils voulaient même battre le pasteur. Alléluia. Et l'évêque dit, lorsqu'il est arrivé, l'assemblée pensait que lui aussi, il sera contre le pasteur. Elle a dit, non. C'est lui qui a envoyé le pasteur. Il ne peut jamais être contre le pasteur. Yeah. Il ne peut jamais. Même dans la gestion, c'est la même chose. Lorsqu'il y a les directeurs de l'entreprise, les dirigeants, le DG ne peut pas être contre les dirigeants parce que c'est lui qui a les envoyés, les a nommés. La plupart des temps, non. La plupart des temps, non. Parce que c'est le supérieur qui envoie ses dirigeants. Donc, s'il envoie ses dirigeants, il doit pouvoir les défendre. Même s'ils sont en erreur. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah, comme le président. Le président, la plupart des temps, ne peut pas être contre les ministres. Parce que vous ne voyez pas les pays. On dit que ce ministre a fait ça, ce ministre. Le président vient puis dit quelque chose et puis c'est comme. Ou bien il ne dit rien, ne fait rien. C'est lui qui a envoyé le ministre. Ou bien? Yeah, c'est lui qui a envoyé. Les ministres, les trucs là, ils font des bêtises, mais le président, il doit savoir comment. La plupart des temps, à moins que c'est vraiment grave et tout le monde voit que, ah, mais si le président ne fait rien, comment on dit? On va dire quoi, mais le président là, qu'est-ce qui se passe? Ah, là, il peut faire quelque chose. Mais la plupart des temps, les petites bêtises là, chaque fois, le président ne va rien faire. Parfois, il ne dit rien, il laisse. Vous allez parler, oh, il va rien dire, et puis il laisse le gars continuer. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah. Donc, le Seigneur ne peut pas, nous ne pouvons pas être serviteurs du Seigneur, et le Seigneur ne va pas nous défendre lorsque nous sommes dans un problème. Comme il a fait pour Daniel. Yeah, le Seigneur va te défendre. Le Seigneur va te protéger. Il va te délivrer. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que c'est bon de servir le Seigneur? Yeah, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. La Bible dit que les yeux du Seigneur sont toujours sur son serviteur. Yeah. Il dit nuit et jour, les yeux du Seigneur sont sur ses serviteurs fidèles. Il veille sur leur vie. Il veille sur, il ne peut pas te laisser. Alléluia. S'il te laisse un problème t'arriver, il pense que c'est bon pour toi. Et c'est pourquoi il dit toutes choses concourent pour le bien. Et c'est pourquoi il y a ce verset. Donc, si parfois il laisse un problème, une difficulté t'arriver, il pense que c'est bon pour toi. Mais si c'est pas bon pour toi, ce problème ne va pas t'arriver. Il va te défendre. Au nom de Jésus. Alléluia. Levez-vous, s'il vous plaît. Waouh, c'est bon de servir le Seigneur. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alléluia. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Et dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur ce matin. Seigneur, nous te remercions. Te remercions. Dominique vient de se remercier. J'élève mes mains en t'adorant. Dis merci ce matin que tu es serviteur. Si tu n'as pas commencé, tu veux dire Seigneur, ce matin, tu veux décider ce matin de servir le Seigneur. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Touche les cœurs. Touche nos cœurs. Qu'ils ne soient pas ouverts à toi, à ton service ce matin. Et touche-nous, touche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Est-ce que tu es en train de prier? Ferme les yeux et prie ce matin. Peut-être que tu veux décider que Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais te servir. Depuis là, je n'étais pas sérieux. Mais dès maintenant, je veux te servir. Je veux être ton serviteur. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci. Merci. Merci Seigneur. Oh, je veux te servir. Je veux te servir. Toutes les instructions que j'ai reçues depuis l'année passée et cette année, Seigneur, je vais les mettre en pratique. Je vais t'obéir. Je vais t'obéir. Je veux obéir à ta parole, à tes commandements. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie ce matin et décide. Prie le Seigneur, dis Seigneur, je veux te servir. Je veux être ton serviteur. Je veux être ton serviteur. Je veux chanter pour toi. Je veux danser pour toi. Je veux sacrifier pour toi. Je veux évangéliser pour toi. Je veux visiter pour toi. Je veux prier pour toi. Oh Seigneur, je veux faire quelque chose pour toi. Je veux faire quelque chose pour toi, Seigneur. Dans ta maison. Dans ta maison. Du fond de mon cœur, je veux le faire avec joie. Avec joie. Avec joie, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci que tu as touché les cœurs ce matin. Et les cœurs ont décidé de te servir. Du fond de leur cœur, ils veulent te servir. Seigneur, merci. Merci. Nous voulons te servir cette année. Aide-nous, donne toute cette grâce de pouvoir te servir au nom de Jésus. Seigneur, merci. Et tout le monde dise Amen. Alléluia. Les yeux fermés. Avant de partir, avant de s'asseoir, les yeux fermés. Si vous êtes ici, tout le monde les yeux fermés. Les yeux fermés. Si vous êtes ici, tu es ici. Et tu veux donner ta vie à Dieu. Dis Seigneur, je veux recevoir le salut ce matin. Tu n'as pas le salut. Tu n'as pas pris une décision. La Bible dit, à moins que tu reçois le Seigneur, à moins que tu es né de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux. Et ce matin, tu me dis, Seigneur, je veux voir le royaume des cieux. Je veux pas aller dans l'enfer. Seigneur, je veux te servir. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? Tu veux lever la main? Peut-être que tu venais depuis, c'est le premier jour que tu es ici. Tu venais depuis. Mais tu n'es pas sérieux. Tu n'as pas vraiment donné ta vie à Dieu. Mais tu veux redonner ta vie à Dieu ce matin. Lève la main. Lève la main. Lève la main. Ou bien aujourd'hui, c'est ton premier. Quelqu'un t'a invité. Tu es là. Tu es là. Tu sais que tu es l'un du Seigneur. Tu n'es même pas proche. Tu n'es même pas proche. Tu es l'un du Seigneur. Tu n'as pas le salut. Tu ne comprends même pas ce qui se passe. Tu ne comprends même pas. Mais tu veux commencer avec le Seigneur. Le Seigneur va te sauver. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? Lève la main. Lève la main. Lève la main. Lève la main. Ne regarde pas la personne qui est à côté de toi. Tu ne connais pas le cœur de cette personne. Peut-être que cette personne sert le Seigneur. Tu ne sais pas. Mais si tu veux suivre la personne, tu seras perdu. Tu n'as pas pris la décision. Faut pas suivre tes amis. Pas suivre tes voisins. Tu ne sais pas ce qu'ils font en secret. Mais toi, tu es ici ce matin. Tu as l'opportunité. Lève la main et donne ta vie à Dieu ce matin. Le Seigneur va te sauver. Le Seigneur va te sauver. Lève la main. Lève la main. Lève la main. Tu ne sais pas, peut-être tu n'auras pas l'opportunité de donner ta vie. Tu n'auras plus. Tu n'auras plus. Tu n'auras plus. Tu n'auras plus. L'évêque nous a donné un exemple de une fille qu'elle a donné l'opportunité de donner sa vie à Dieu. Elle a donné la vie, sa vie. Et puis 2 semaines après, la personne est elle est décédée. Et l'évêque a dit, il remercie Dieu. Parce que si il n'avait pas donné l'opportunité à cette personne, la personne sera peut-être maintenant dans l'enfer. Donc les opportunités viennent et puis partent. Viennent et puis partent. Pour toi, tu as cette opportunité aujourd'hui. Tu as cette opportunité de Dieu. Le Seigneur frappe à la porte de ton cœur. Ouvre ton cœur pour lui et donne-lui ta vie ce matin. Au nom de Jésus, donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Seigneur, merci. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un a levé la main? Si tu as levé la main, est-ce que tu peux venir devant? Si tu as levé la main, tu peux venir devant. Je ne vois pas la main. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Seigneur, nous te remercions. Au nom de Jésus. Et tout le monde dise Amen. Veuillez vous asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Asseyez-vous, asseyez-vous.